Je suis debout dans la cuisine, et dans la rue, les gens ignorent qu'une fenêtre à guillotine abrite la chambre où elle s'endort. Sur ses épaules, une robe en lin, et sous mes doigts, le chat qui miaule. Elle est assise dans le jardin, et sur ma joue, sa main me frôle. Derrière la brume qui se retire, c'est une voile sur un navire, une embellie qui se dessine, au loin la terre qui s'illumine. Sous le chapeau qui lui protège, de taches rousses tout un cortège, un grain de beauté sous son pouce, une mèche de cheveux qu'elle repousse. Sur un tissu, quelques étoffes, elle ne sait pas et sait très bien, car mais elle est passée ce matin, qu'elle revoit un peu Jean-Christophe. Derrière la porte qui s'abîme, levant le rideau en mousseline, le murmure de la ville infime, la lumière de quelques vitrines, les cris des enfants, les questions, la voix des parents dans le soir, le sable le long du boulevard, les trottoirs, le bruit des ballons. Je suis debout dans la cuisine, et dans la rue, les gens ignorent qu'une fenêtre à guillotine abrite la chambre où elle s'endort. Je serais sûrement auteur de best-seller, chanteur, imitateur, rocker ou bien acteur. Pour l'artistique, je suis fait, c'est une certitude. En scène, belle attitude, répartie, promptitude. Si d'avoir mal, je n'avais peur, je serais cascadeur, hockeyeur, footballeur, peut-être même lutteur. J'adore le sport, je suis athlète, et vu mon gabarit, vous ne seriez pas surpris au JO de me voir en tête. Mais moi je préfère ne rien faire, simplement regarder en l'air, car déjà je suis fatigué du fait de m'être levé. Alors pensez qu'il faudrait qu'un jour je dusse travailler, trouver 2 euros par terre, c'est suffisant pour pépère. Pour la cuisine j'ai vraiment un talent débordant, dans l'alliance des condiments, le maniement des aliments. En art visuel j'ai un don et la capacité de dessiner, photographier, de croquer et de sublimer avec aisance et prestance. Je parlerai roumain, lituanien, zimbabwéen et facilement coréen. D'après moi-même, je serai un as pour diriger le pays ou bien les États-Unis, si j'irai aux Nations Unies. Mais moi je préfère ne rien faire, simplement regarder en l'air, car déjà je suis fatigué du fait de m'être levé. Alors pensez qu'il faudrait qu'un jour je dusse travailler, trouver 2 euros par terre, c'est suffisant pour pépère. Chiropracteur, acupuncteur, handballeur, fossoyeur, programmateur ou inspecteur, éventuellement coiffeur, traducteur ou bien soudeur, peut-être même pêcheur. Et si je m'y mets, je pense, avec un peu de chance, mécanicien, voire opticien, magicien, praticien, électricien et grammairien, moine bénédictin, mathématicien ou bien toiletteur canin. Mais moi non, moi je préfère ne rien faire, simplement regarder en l'air, car déjà je suis fatigué du fait de m'être levé. Alors pensez qu'il faudrait qu'un jour je dusse travailler, trouver 2 euros par terre,